fraîcheur du soir viendrait pour réveiller mon corps. Quand est l'heure du dîner, la nuit est très habillée. Il y a des gens un peu trop placés qui voudraient m'empêcher de rêver. Oh, mais je m'en fous, moi je suis bien. Sous la chaleur, on s'en requin. Demain, sous la chaleur et sans requin, toujours les mêmes à m'ennuyer, à vouloir m'empêcher de rêver que je suis toute taillée, très vaillée.